الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Mes très chers frères, on remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir permis de nous réunir une fois de plus dans une de ses demeures afin, s'il nous le permet, subhanah, d'élargir nos connaissances concernant ses pieux serviteurs. Ceci dans le but d'avoir un aperçu de leur vie et des moments importants qu'ils ont vécu, les épreuves qu'ils ont dû surmonter, les objectifs qu'ils se sont fixés et surtout les degrés qu'ils ont atteints. On m'a demandé de vous parler de grands savants. Vous connaissez tous Cheikh Abdel Karim Al-Khudayr, un des savants de Riyad. Il a été invité pour donner une conférence sur qui avait comme titre l'adoration des savants. Alors, avant de commencer son discours, il a dit une parole que tous les frères qui l'ont écouté ont eu la même réflexion dessus. Il nous a laissé sans voix. Il dit, Hafidhahullah, qu'en fait, quand il est arrivé, ils nous ont juste dit, prépare-nous quelque chose ou bien tu vas nous faire un dars. Il ne savait pas de quel sujet il s'agissait. Lorsqu'il a su... Mais comme il avait déjà accepté, il ne pouvait pas se rétracter. Il a dit, sinon j'aurais refusé de faire une telle conférence. Il a dit, c'est comme si on demandait à quelqu'un d'avare de parler de quelqu'un de généreux. Là, je rapporte ces paroles à lui. Comment une personne comme moi pourrait-elle vous parler des adorations des ulama? Alors moi... Je répète plus ou moins ce qu'il dit. C'est sûr que le fait de parler des savants, c'est bénéfique dans de nombreux points. Mais c'est très dur pour celui qui est amené, celui qui est chargé de préparer un tel discours, de déjà le préparer, et surtout de le dire aux gens. Là, je suis devant vous en train de vous parler. Vous allez écouter, Inch'Allah, ce que je vous ai préparé. Et moi, pendant que je recopiais tout cela, je me disais, moi, je veux dire ça aux gens. Je veux dire, Cheikh, il était comme ça. Et moi, je vais vous dire ça. Wallah, Cheikh Saab, c'est difficile. C'est difficile de lire ces histoires. Et c'est encore plus difficile de les répéter. Sallallahu ta'ala, tawfiq wa sadad. Un des savants qui qui a le plus attiré mon attention, d'après la courte connaissance que j'ai des savants de l'islam, j'ai pas beaucoup lu la Maktab al-Islamiyya comme ils l'appellent, mais de ce que j'ai pu lire, celui qui a le plus attiré mon attention, c'est Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. ولشدة محبتي لهذا الشيخ أحببت أن أسرد لكم بعض ما تعرفت عليه خلال قراءتي لبعض كتبه ولبعض تراجمه. Donc en fonction de l'énorme affection et amour que j'ai envers ce savant رحمة الله عليه et du peu de livres que j'ai pu lire lui appartenant, ou bien des quelques biographies qui lui ont été faites, j'ai voulu vous en faire plus ou moins part. Premièrement, concernant son nom, sa kunya, Abu Abdillah, kana yusamma Shamsuddin. Shams ad-Din. Sinon, son prénom, c'était Mohammed. Différence entre l'aqab et l'ism. On a la kunya, on a l'aqab et on a l'ism. Taïb, sa kunya, Abu Abdillah. Shams ad-Din, Mohammed, Ibn Ayyub, Ibn Abi Bakr. Ibn Abi Bakr, Ibn Ayyub, Az-Zur'i. Thumma ad-Dimashqi, Al-Hanbali. Al-Mashhur, Bibni Qayyim, Al-Jawziyya. Et pas comme beaucoup le confondent, du moins se trompent, Ibn al-Jawziyya ou bien Ibn al-Jawzi. Tu peux l'appeler soit Ibn Qayyim al-Jawziyya ou bien Ibn al-Qayyim. Mais tu ne dis pas Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Taïb. Pourquoi il s'est fait connaître sur ce nom-là, Ibn Qayyim al-Jawziyya, puisque le père de Shamsuddin Muhammad, qui s'appelait Ayyub, était Qayyim d'une école qui s'appelle al-Jawziyya. Cette école, elle est à Damas, en Syrie. Elle a été fondée par le fils d'Abu al-Faraj, Ibn al-Jawzi, al-Ma'ruf, sahib, talbis, iblis, وغيرها من التصانيف النافعة رحمه الله. Donc cette école-là, elle a été fondée par le fils d'Ibn al-Jawzi, d'où son nom de al-Jawziyya. Et son père, donc le père d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, s'appelait Ayyub, il était le directeur, le gérant de cette école. Quand on yuqal al-Qayyim ala al-Shay, c'est celui qui s'occupe de ses affaires, qui s'occupe des affaires de la chose. C'est lui qui gérait l'école, que ce soit les inscriptions, les cours, les fournitures, les besoins, tout ce qui avait un lien avec cette école. Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahmatullahi alayh, est né le 7e jour du mois de Safar, en l'année 691 de l'Hégire. Il est né le 7e jour du mois de Safar, en l'année 691 de l'Hégire. Je ne suis pas très fort en maths, mais à peu près 691 fois 2, ça fait 1300. Combien? 1382. Hein? 1300 et quelques. Et ce n'est pas loin de l'époque à laquelle nous sommes. Nous, on est en 1430. Donc, il est presque dans une période intervalle entre l'Hijra al-Nabawiyya, ala sahibiha afdhalu salat wa salam, et nous. Donc, comme nous, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, n'a pas eu le privilège de voir le prophète alayhi salatu wassalam, ni de voir les sahaba radiyallahu anhum, ni de voir les tabi'in, ashab al-qurun al-mufaddala, allez, ceux qui ont peuplé les meilleurs siècles. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché d'atteindre ce rang que nous lui connaissons aujourd'hui. Taban al-Jawziya, cette école dont son père était le gérant, le directeur, est la première école dans laquelle Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a commencé l'étude, l'apprentissage de la science. Il a commencé très jeune. Il a commencé à 7 ans l'apprentissage de la science. D'ailleurs, pour ceux qui ont l'habitude de lire dans les biographies des grands savants, ils se rendent compte, en général, qu'ils commencent talab al-ilm très jeune et ils commencent par apprendre al-Qur'an à un point où ils finissent de le mémoriser à un âge très précoce, pour la plupart d'entre eux avant qu'ils atteignent la puberté. Hein? Et de là, mes frères, comme je vous l'ai dit hier, sachez que le but de ces histoires, c'est qu'on en tire des moralités, qu'on en tire des leçons. Que talab al-ilm, ça commence tôt. Et que la première des choses sur laquelle l'étudiant doit insister, c'est hifdul Qur'an. Hifdul al-Qur'an, l'apprentissage du Coran. Il a donc appris le Coran et a commencé à étudier l'arabe, notamment la grammaire. Et il a étudié de nombreux livres. Parmi ces livres aussi, est l'un des plus grands et des plus célèbres, Al-Fiyat ibn Malik, Al-Andalusi, rahimahullah. Et lorsqu'il a fini de l'étudier, il avait 19 ans. Ça veut dire qu'en à peu près une dizaine d'années, il a fini ce que le talab ilm doit étudier en arabe. Et de là, on prend la deuxième remarque, c'est que la deuxième chose que tu dois, sur laquelle tu dois insister dans talab ilm, c'est l'apprentissage de la langue arabe. C'est l'apprentissage de la langue arabe. Et qu'on ne peut pas prétendre étudier la science religieuse si on n'a pas consacré à la langue arabe quelques années d'études. كان الشيخ أبي عبد الرحمن أبو عبد الرحمن ابن مقبل ابن هادي المقبل الوادعي رحمة الله عليه disait pour les arabophones, ils doivent consacrer 2 ans à la langue arabe. هذا pour un arabi يتكلم بالعربية لا يجد في النطق بها صعوبة. On ne trouve pas de difficulté dans le fait de s'exprimer avec cette langue-là. Qu'est-ce qu'on devrait dire pour nous qui ne parlons pas l'arabe? Ou bien lorsqu'on le parle, c'est avec difficulté, on bégaye. Ou bien on se trompe, on cherche nos mots, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on devrait dire? Wallahi, c'est malheureux de voir une baisse de motivation, pour ne pas dire une disparition, chez les frères, dans l'apprentissage de la langue arabe. Hein? Quand on apprend que des livres, des cours sont ouverts pour que les frères apprennent ces bases desquelles ils ne peuvent se passer, les cours ils sont vides, ou bien très peu de monde. Des livres qu'on devrait étudier ensemble une fois, deux fois, trois fois, même plus, pour que ces principes de base deviennent pour nous naturels. Dhamma, Fatha, Kasra, Sukun. C'est la roue de la fortune. Tu te rappelles l'émission là? Allez, vas-y, mets. Wahada galat. Wahada khata. Fahish. On l'a même trouvé dans la biographie de certains plus prédécesseurs qu'ils frappaient leurs enfants quand ils se trompaient dans dabt al-kalima. C'est-à-dire dans le fait de placer les harakat. Par exemple, le dire Akeltul khubza, disait Akeltul khubzu, il se mange une claque. Je t'assure qu'après, il ne se trompait plus le petit. Taï? وهذا كان معروفا عند السلف كانوا يؤدبون ابناءهم على اللحن. Ils corrigeaient leurs enfants lorsqu'ils faisaient des erreurs de grammaire quand ils parlaient. Ibn Qayyim rahmatullah alayhi à 19 ans, il avait fini les livres de grammaire, ça y est. Il avait fini les kutub qui étaient étudiés à son époque et notamment Alfiya Ibn Malik. Donc, comme ils disent, à bon entendeur, salut. Taïb, comme vous le savez tous, la plupart des salafs sont connus pour les voyages qu'ils ont faits pour apprendre la science. Et celui qui lit dans les biographies d'Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, il se rend compte qu'il n'a été évoqué de la part d'Ibn al-Qayyim comme voyage que vers deux destinations. Vers le Qahira, en Égypte, le Caire, ou bien les nombreux voyages qu'il a fait pour effectuer le pèlerinage, pour aller à la Mecque. Sinon, il n'a pas été rapporté qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah a voyagé ici et là pour apprendre la science. Comment alors on peut répondre à cela? Tout simplement, parce qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah alayhi, il a vécu à Damas, comme on l'a dit, à une époque où cette ville était pleine de savants. Elle était pleine de savants dans tous les domaines. Ce qui a ôté à Ibn al-Qayyim le besoin de voyager pour obtenir de la science dans certains domaines, vu qu'il avait ce qu'il lui fallait autour de lui. وَهَذِهِ مِنْ مِنَّةِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِنْ فَضْلِهِ لَهُ. Ça c'est un cadeau qu'Allah Azza wa Jalla lui a fait et une grâce de lui ôter cette difficulté de voyager pour apprendre la science. Et ça, c'est arrivé à certains grands savants, même parmi les salafs, comme Imam Malik, rahimahullah, comme certains biographes, du moins certains historiens rapportent de lui, qu'il n'a jamais quitté Médine. Allahumma illa idha qasada bayt Allahi al-haram li adai al-hajj ou al-umrah. Sauf s'il voulait aller à la Mecque pour faire un grand pèlerinage ou un petit. Pourquoi? Parce que le Madina, كذلك, était dans le même wad', plein de savants, notamment le Fuqaha al-Sab'a, ou Ba'adun minhum. Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh, le corrige toujours dans Talabul Ilm, on a dit qu'il a commencé tôt, il a commencé par les sources qui sont Hifdul Qur'an, wa ta'lim. Al-Lughat al-Arabiya. Et on a dit qu'il n'avait pas besoin de voyager. Taï, qui sont ces chouyours? Quand on regarde dans les livres de biographie, on trouve de nombreux grands savants chez lesquels il a étudié. Je ne vais pas tous vous les citer, je vais vous en citer quelques-uns. Le premier chez qui il a étudié, c'est son père, Ayyub al-Qayyim bil-Jawziya, donc le directeur de cette fameuse école qui est al-Jawziya. Et il a étudié chez lui al-Fara'id. Al-Fara'id, ce n'est pas les obligations en tant qu'adoration, mais c'est la science concernant l'héritage. Al-Fara'id. Il a étudié chez Ibn Abd al-Da'im. Il a étudié chez Ahmad ibn Abd al-Halim, Ibn Abd al-Salam, Ibn Taymiyyah. Ce n'est pas Ibn Taymiyyah al-Ma'rouf. Taïb, c'est un autre. Il a pris de lui التفسير والحديث والفقه والفرائض والأصلين وعلم الكلام. Non, c'est bien Ibn Taymiyyah. Il y a l'autre Ibn Taymiyyah après, c'est lui qui n'est pas le plus connu. Donc c'est bien Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam al-Ma'rouf, duquel il a pris la science de l'explication du Coran, Il a pris le hadith, il a pris la jurisprudence, il a pris la science de l'héritage. Il a pris l'aslain, qui sont asluddin, usuluddin afwan, et usul al-fiqh, et ilm al-kalam. Il a été chez Shihab al-Abir, ainsi que Ibn al-Shirazi. Il a été chez le Majd al-Harrani. ويقال أنه قرأ عليه المقنع مئة مرة. المقنع ساليف dans le madhhab hanbali. طيب الفقه. Et ils disent qu'Ibn al-Qayyim il a lu ce livre là à son cheikh 100 fois. Il a aussi pris chez lui le fara'id wal-usul wa qara'a alayhi akthar ar-rawda. Il lui a lu la plupart du livre Ar-Rawda qui est dans Usul al-Fiqh. Il a étudié aussi chez Sharafuddin ibn Taymiyyah, Abu Shaykh al-Islam, akhadha anhu al-Fiqh. Il a étudié chez le père de Shaykh al-Islam qui s'appelle Sharafuddin ibn Taymiyyah, chez lequel il a pris la jurisprudence. On a Abu al-Fath al-Ba'labaki, akhadha anhu al-Arabiyyah wal-Fiqh, wa qara'a alayhi al-Mulakhas. Al-Ba'labaki, un autre savant, un autre professeur d'Ibn al-Qayyim, chez lequel il a étudié l'arabe, la jurisprudence et l'usul. Et Ibn Muflih et d'autres. La liste est longue. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, donc il a eu cet énorme privilège de s'asseoir chez de nombreux savants et d'étudier chez la plupart d'entre eux des sciences différentes. Ce qui lui a fait aimer la science et les savants. Et notamment, le fait de réunir et de rassembler les livres. Les élèves d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans leurs biographies respectives, évoquent tous ce détail. C'est Ibn al-Qayyim, rahimahullah, aimait avoir rassemblé le plus de livres possible. Pas pour décorer sa bibliothèque, comme je le fais moi, mais pour rassembler toutes les sciences possibles et pour élargir sa vision et notamment enrichir ses connaissances. Lorsque tu lis les livres d'Ibn Qayyim, tu retournes à la fin et tu vois ce qu'on appelle al-Maraji'. C'est les livres sur lesquels il s'est basé pour faire son livre. Du moins, les paroles qu'il rapporte des prédécesseurs ou bien des autres savants, des poèmes et d'autres. Mathalan, Ibn al-Qayyim, il a un livre qui s'appelle Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya. Eh bien, on se rend compte dans ce livre qu'il évoque à peu près une centaine de titres différents dans lesquels il a puisé des paroles avec lesquelles il a donc enrichi son ouvrage. Quand tu lis dans le livre Ahkam Ahli Dhimma, d'Ibn al-Qayyim toujours, il évoque une trentaine de titres différents. Il a dit Qara'atu fi hadha al-kitab ma yali. Après, il sortait la parole, il la mettait dans son livre, et ainsi de suite. Tu prends dans Kitab al-Ruh Aydan, qu'il évoque une trentaine de titres d'ouvrages. Ce qui montre la largeur, du moins la richesse, dans le fait de prendre des paroles ici et là, et surtout la largeur de sa culture et de sa lecture. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, donc on a dit qu'il avait comme professeur Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, Abu al-Abbas, rahimahullah. On reviendra un peu plus tard sur la compagnie qu'Ibn al-Qayyim a eu d'Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il en a le plus retiré. Donc là, on a vu à peu près comment Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a étudié la science. Voyons maintenant quelle fonction il occupait. Premièrement, après qu'il ait étudié dans le Jawziya, l'école dont son père était le directeur et le gérant, il y a occupé deux postes. Premièrement, il en a été l'imam. Il en a été l'imam, dans laquelle donc il faisait les prières obligatoires, ainsi que les sermons du vendredi. Ensuite, il a la deuxième fonction qu'il a occupée dans cette école, c'est qu'il est devenu enseignant et qu'il a donné donc des cours dans cette école-là. À savoir qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah a commencé l'enseignement très tôt. Il a commencé à enseigner très tôt. Il faut savoir, comme on va le voir ensuite donc concernant le fait d'écrire des ouvrages, que ce genre de fonction, que ce soit l'écriture ou l'enseignement, sont en général réservés à des personnes d'un certain âge. Ce qui prouve qu'ils ont une certaine maturité et une certaine expérience. Mais ce n'est pas absolu. Il existe certaines fois ce qu'on appelle des exceptions qui confirment la règle. Des personnes d'un âge assez bas, mais qui sont équivalents en science, en maturité et en expérience à des personnes qui les devancent de dizaines d'années. Et ça, c'est connu même chez les Sahaba radiallahu anhum. Hein, quand le prophète alayhi salatu wasalam, il a mis Usama ibn Zayd radiallahu anhuma à la tête d'une armée dans laquelle il y avait Kibar al-Sahaba. Taïb, et aussi le Athar, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, faisait assister son fils Abdullah ibn Omar dans des assises dans lesquelles il y avait les grands compagnons, ainsi qu'Abdullah ibn Abbas, les compagnons qui étaient des jeunes, et d'autres. À la kulli hal. Ensuite, il était aussi connu pour al-ifta. Donc al-ifta, c'est le fait d'émettre des réponses dans lesquelles se trouvent des règles juridiques propres à une situation particulière. Donc il était connu pour être une référence vers laquelle les gens se retournaient pour obtenir des réponses à leurs questions, à leurs interrogations. Aussi, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, était connu pour être quelqu'un de très fort dans ce qui est le débat. Dans le fait de débattre, al-munadara. Donc al-munadara, c'est un débat dans lequel les deux parties vont débattre dans un sujet, notamment bien entendu religieux, et dans laquelle chacune des deux parties va amener ses arguments pour convaincre l'autre. Mais bien sûr, al-asl, ton hadaf, c'est al-wusul ila al-haq. Le but de quelqu'un lorsqu'il rentre dans un débat, ce n'est pas de battre celui qu'il a en face ou de le convaincre pour qu'il se rallie à sa cause. Ton but, ya akhi, quand tu débats avec quelqu'un, c'est d'arriver au haq. Et Al-Zahabi, rahimahullah, il rapporte dans la sira du Shafi'i que lui et Ibn Hubayra, rahimahumallah, ils avaient un iqash, un débat sur une mas'ala fiqhiyya, dont l'origine est linguistique. Qala ta'ala, والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب قروء جمع قر. Les divorcés doivent patienter en elles-mêmes trois قروء. قروء, c'est un pluriel. Son singulier, c'est le قر. Et les Arabes appelaient le قر, du moins désignaient avec le قر, soit la période où la femme a sa menstrue, ses menstrues, pardon, ou soit la période dans laquelle la femme n'a pas ses menstrues. Alors Al-Shafi'i ibn Hubayra, rahimahumallah, ont débattu sur une journée entière, chacun en ramenant ses arguments pour prouver que le qar, ça voulait dire soit les menstrues ou soit la période de pureté. Une journée après, chacun y rentre chez soi. Mais al-rijal ha'oula, C'est pas tu leur dis un dalil et ils rentrent par là et ils sortent de l'autre côté. Non, il va y réfléchir. Alors Al-Shafi'i rentre et il se remet en question par rapport à tous les arguments que Ibn Hubayra lui a ramenés. Jusqu'à ce qu'il se dise en lui-même, il avait raison. Al-Qar, ça voulait dire Al-Tuhur. Ou Al-Na'am Al-Tuhur, ça voulait dire la pureté. Et Ibn Hubayra, en même temps chez lui, il se repasse les Adillah de Shafi'i. Non, de Shafi'i, c'est Ibn Hubayra. Il se repasse en tête les Adillah de Shafi'i. Et il dit, ah ouais, c'est vrai, finalement, il avait raison lui aussi. Al-Qar, c'est Al-Hayb. Alors le lendemain, chacun vient voir l'autre. « Ya akhi, barakallahu fik, hafidhakallah, laqad aqna'tani bi adillatika al-qati'a wa hujajika al-sati'a ila akhirihi. » Chacun dit à l'autre, « T'avais raison. » Après l'autre, il fait, « Non, soit t'avais raison. » Après, il fait, « Non, soit t'avais raison. » Ils ont refait un autre niqash dans lequel chacun a défendu la vie que l'autre avait la veille. Et une autre fois, avec Shafi'i toujours, comme quoi il a eu un niqash avec quelqu'un et il a senti comme un début d'animosité lorsqu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Alors le lendemain, lorsqu'ils se sont vus, Al-Shafi'i l'a pris dans ses bras, donc son opposant, Bayna Qawsayn, Tab'an, et lui a dit, il ne faut pas qu'on arrive là, Al-Muhim, c'est le wusul ila al-haq. L'important, c'est d'arriver à la vérité. Et même Hatta, évite les niqash, rentre pas dans le niqash. Sache, mon frère, que les salafs, ils évitaient le niqash le plus possible. Regardez dans le siyar. Il y a un homme qui est venu voir Ayoub al-Sikhtiyani, rahimahullah. Il lui a dit, ya Ayoub, as'aluka an kalima. Il a mis ses doigts dans ses oreilles, il a dit, voilà, nisfa kalima, il est parti. Il a dit, ya Ayoub, laisse-moi t'interroger sur un mot. Il a mis ses doigts dans ses oreilles, il a dit, m'interroge même pas sur un demi-mot. Et l'imam Malik, rahimahullah, il disait, man akthara tanaqush, akthara tanaqul. Celui qui multiplie les débats, il multiplie les déplacements. Un jour il est comme ça, le lendemain il est comme ça, le lendemain il est comme ça. Khalli alik. Apprends ton din. Apprends tes bases. Accroche-toi aux savants les plus grands. Et laisse. Ne rentre pas dans ces détails. Et laisse-le à ceux qui sont capables de s'en charger. Ibn al-Qayyim rahimahullah, celui qui lit ses livres, il voit à quel point il avait une aisance et une facilité à débattre et à prouver de façon logique en appuyant son avis avec des textes que son avis était pour la plupart du temps, il n'est pas ma'soum, bien entendu, il n'est pas infaillible, était correct. Même pour celui qui a l'habitude de lire Ibn al-Qayyim, il se rend compte qu'il a une façon de mettre en avant les arguments de l'opposant tellement bien que tu as l'impression qu'il est d'accord avec lui. Exemple, tu prends Kitab Hukm Tariq al-Salah d'Ibn Qayyim, le livre dans lequel Ibn Qayyim fait référence à la question est-ce que celui qui délaisse la prière, il est mécréant ou non. Alors au début, tu lis le livre, il te dit Adillatul qa'ilin bi kufrihi. Les preuves de ceux qui prétendent qu'ils est mécréant. Alors tu lis, tu dis, ah ouais, c'est bon, il a raison, khlas. C'est lui qui a raison. Enfin, c'est eux qui lui disent ça qui ont raison. Après, il te dit, Adillatul qa'ilin bi'adam kufrihi. Deuxième chapitre, l'épreuve de ceux qui disent qu'il n'est pas mécréant. Tu dis, bon, khlas, il n'est pas mécréant. Après, il refait un autre chapitre dans lequel réponse aux arguments de ceux qui voient qu'il n'est pas mécréant. Alors quand tu vois les réponses, tu dis, khlas. Il est mécréant. Après, réponse aux arguments de ceux qui voient qu'il est mécréant. Alors tu dis, punaise, il n'est pas mécréant. Voilà, à la fin, tu t'arrêtes là, tu dis, mais comment faut faire? Après, c'est là qu'il ramène donc le moyen de faire le lien entre les textes. Ça, c'est une chose qu'on apprend dans l'usul. Comme quoi, ça c'est un asl. Il n'y a pas de contradiction entre les textes. Là, fil Qur'an, ولا في السنة الصحيحة قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن est-ce qu'ils vont méditer sur le Coran et s'ils venaient d'autres qu'Allah ils y auraient trouvé de nombreuses divergences. طيب y a pas de تعارض ولا تناقض بين الآيات, y a pas de contradiction ou d'opposition entre les versets du Coran. Tout comme il n'y a pas d'opposition ou de contradiction entre les hadiths du prophète, ceux qui sont authentiques. Après, il y a des moyens de faire le lien. Quand on a affaire à des textes qui en apparence, je dis bien en apparence, se contredisent, la première des choses, si ce n'est pas du Coran, on regarde s'ils sont authentiques. S'ils sont authentiques, on regarde est-ce qu'il est possible de faire le lien entre les deux textes. S'il n'est pas possible de faire le lien entre les deux textes en faisant référence au umum ou bien au khusus, au itlaq ou bien au taqyid, au mujmal ou bien au mubayyin, ces termes qui sont connus dans usul al-fiqh, là on aura recours à ce qu'on appelle un nasr. Et la tariqa al-ma'rufa pour ceux qui ont l'habitude de lire dans usul al-fiqh. Ala kulli hal, Ibn Qayyim rahimahullah, il avait cette particularité de faire le lien entre tous ces textes-là et de te donner le moyen de prendre un avis bien fondé dans une mas'ala, tout en ayant au préalable un aperçu des arguments des différents avis. Et voilà, ça tu testafides fi hadhihi at-tariqa min 'iddat awjuh. Tu profites dans cette façon d'opérer de différentes façons. La première, ça t'élargit la poitrine dans le khilaf, dans ce qui s'appelle la divergence. Et ça te change ta compréhension de la divergence. Taïb, je fais référence à ce qu'on appelle le khilaf al-tanawwa', la khilaf al-ittidad. Cette divergence qui est connue chez les savants et qui est basée sur des textes. Pas la divergence dans laquelle certains s'opposent à d'autres bimujarrad ahwa'ihim, en se basant seulement sur leur passion, non en se basant sur les textes. Hadhihi ibrata biha. Cela, on ne lui donne aucune considération. On parle de la première. Et on apprend à comprendre al-khilaf. Ensuite, on apprend à comprendre la méthodologie dans la comparaison entre les avis. Et j'en passe. Ne nous éloignons pas du sujet principal. Ala kulli hal, Ibn al-Qayyim rahimahullah était connu pour al-munadar. Walil fa'ida, l'un des prophètes, pour ne pas dire le prophète qui était le plus fort dans le munadarat, dans les débats, c'est qui? Qui c'est? Men? Je dis les prophètes, Arfa'u aydiyakum ya ikhwa. Ibrahim alayhi salam. Allez, à l'avenir, bidnillah, si je suis amené à vous poser des questions, pour ne pas qu'il y ait le fawda, levez vos mains. Comme à l'école. J'avais pensé, Allah, il est témoin, je voulais ramener quelques livres à offrir aux frères qui répondaient bien, mais malheureusement, j'ai oublié. Excusez ma négligence. Inch'Allah, la prochaine fois, si Allah il le décrète, on le fera. À la kulli hal, c'est Ibrahim, alayhi salam. Ibrahim, alayhi salam, il était très fort dans le munadarat. Taïb, notamment l'histoire avec un Namroud. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت والسنير celui qui donne la vie qui donne la mort. Alors Al-Namrud il a dit قال أنا أحيي وأميت, moi aussi je donne la vie, je donne la mort, ramenez-moi deux esclaves, يا الله tuez celui-ci et laissez celui-ci vivant, je donne la vie, je donne la mort. Alors Ibrahim عليه السلام il a dit إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب, il a dit Allah il fait venir le soleil de l'Occident, fais-le venir de l'Orient. فبهت الذي كفر, il est resté sans voix. الوقائع التي تدور حول هذا الموضوع في حق إبراهيم عليه السلام كثيرة من أن تحصى. على كل حال, non seulement Ibn al-Qayyim rahimahullah était très fort dans le fait d'argumenter, et surtout il était ferme dans ses convictions. À un point où de nombreuses fois ça lui a attiré des ennuis, parce que d'accord, Damas à l'époque d'Ibn al-Qayyim rahimahullah était pleine de savants et de sciences, mais malheureusement elle était touchée par un mal qui est le ta'assub al-madhhabi, le fanatisme dans la pensée des groupes de personnes qui sont accrochés à une idéologie taïb et qui n'acceptent aucune opposition. ce qui poussait certains des ennemis d'Ibn al-Qayyim rahimahullah à mentir sur lui dans le but à ce qu'il lui arrive du mal. Alors Ibn al-Qayyim était convoqué pour répondre à ces accusations, ce qu'il poussait à défendre son avis, et lorsqu'il était bien entendu le plus fort dans le débat et qu'il anéantissait entre guillemets ses opposants, ça lui a attiré des ennuis. Notamment, il a été de nombreuses fois emprisonné pour certains des avis qu'il défendait. Il a même été des fois frappé, comme par exemple dans une mas'ala qui était courante à l'époque. Les savants donc de Damas avaient pris l'avis que si un homme dit à sa femme trois fois de suite tu es divorcé, eh bien les trois fois elle compte. Et la femme elle est taliq ba'in. Yani, il n'a plus le droit de la reprendre seulement si elle se marie, consomme le mariage, divorce à nouveau. Et Ibn al-Qayyim et Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhima, ils ont pris l'avis que les trois fois dites d'un coup ne valaient que pour une. Et quand on retourne chez Salaf, on voit que le prophète alayhi salatu wasalam et Abu Bakr disaient ceci, et que celui qui disait trois fois à sa femme anti taliq ne comptait que pour une fois. Amma Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lui, il a vu qu'à son époque les gens ils en faisaient un peu trop et qu'il prenait ça plutôt comme un jeu de dire à leur femme trois fois de suite anti taliq. Alors il a fait appliquer chaque fois comme étant réel. Ala kulli hal, donc il y a eu un débat entre Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et les autres qui a eu comme finalité que Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim soient mis en prison parce qu'ils n'ont pas suivi la vie générale, et en plus ils ont eu les moyens de contester et d'appuyer leurs avis avec des arguments. Il y a même une mas'ala dans laquelle Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a été emprisonné, il a été frappé, il a été ligoté, on l'a mis sur le dos d'un chameau et on l'a fait tourner dans la ville. انظروا الى هذا يقول خلاف قولنا. Regardez celui-ci, il dit autre que ce que nous disons. Cette mas'ala, c'est quoi? À l'époque, ils avaient une bid'a, une innovation qui consistait à voyager vers un endroit dans lequel ils prétendaient qu'Ibrahim alayhissalam était enterré. Alors ils faisaient ce voyage, ils allaient sur place et ils faisaient sur place des innovations, notamment shirkiya, qui tendaient vers le shirk. Alors Ibn al-Qayyim rahimahullah, ainsi que son cheikh, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhima, donc se sont mis en obstacle et ont prouvé, donc par toutes les preuves logiques du Coran et de la Sunna, la bonne compréhension des prédécesseurs, ce n'était qu'une innovation qui n'avait aucun fondement dans l'islam. Et ils ont donc connu ce qu'ils ont connu comme épreuve. Comme autre occupation, comme autre fonction qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah avait, at-ta'lif. Wa rubbama takunu tilka al-wazifa a'zam ma nuqila ilayna min wadha'ifi hadha al-shaykh al-jalil. Donc at-ta'lif, c'est le fait d'écrire des ouvrages dans de nombreux domaines et qui sont jusqu'à aujourd'hui des références. Et celui qui connaît un peu Ibn al-Qayyim à travers ses ouvrages, il ne cesse de s'étonner autant quand il voit l'étendue de la science de cette personne. Et si on devait parler des ouvrages d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, on ferait deux, on les diviserait en deux catégories. Et peut-être même qu'on rajouterait une troisième catégorie. On y reviendra après. La première, c'est les livres d'Ibn al-Qayyim qui sont connus, disponibles et célèbres, qu'on peut trouver assez facilement. Parmi eux, yallah, qui me donne le nom d'un livre d'Ibn al-Qayyim? Abdel Haq. Comment? Les saveurs de la prière. J'ai pas entendu. Les saveurs de la prière. Asrar al-Salah. Ça, faut savoir que ce livre-là, en lui-même, Naam, c'est Ibn Qayyim qui l'a écrit, mais ce n'est pas un livre indépendant, c'est un chapitre d'un livre duquel on a fait un livre. Et ça, il y a beaucoup, hein, beaucoup de livres qu'on attribue à Ibn Qayyim qui sont en fait un chapitre d'un autre livre. Mais, anta ala haq, naam. Sentier des itinérants. Madarij al-Salikin. Hada qal asrar al-Salah. Hada qal madarij al-Salikin. Le sentier des itinérants. Les frères, un effort, dites-les moi en arabe. Bon, si vous n'arrivez pas, la qada, khair, inshallah, l'akh. Taïb. Celui-là, je ne connais pas le titre en arabe, c'est sûrement un chapitre d'un livre autre. Naam, akhi. Zad al-Ma'ad. Ah, la'alla hada, ashhar, ta'lifat, d'un qayyim, rahimahullah. Zad al-Ma'ad, fi hadi khair al-ibad. C'est peut-être le livre le plus célèbre d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Il parle, donc c'est un des livres qui réunit autant As-Sira al-Nabawiya, donc la vie du prophète, والسلام, que l'Ahkam al-Fiqhiyya, que les règles juridiques, ainsi même que ce fameux face à la fin dont on a tiré le livre, la médecine prophétique, At-Tab al-Nabawi, peut-être je l'ai enlevé à quelqu'un, hein, il fait référence, il vient de Zad al-Ma'ad, At-Tab al-Nabawi, d'accord, dans lequel Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il classe par ordre alphabétique les aliments qui ont des avantages sur le corps humain. Et wallahi, quand tu lis Ibn al-Qayyim, tu te rends compte, c'était un historien, c'était un linguiste, c'était un médecin, c'était un physicien, c'était un astronome, et j'en passe. بصرف النظر عما له من المؤهلات في العلوم الشرعية. On ne parle pas des sciences religieuses, on te parle des sciences mondaines. Tout à l'heure, l'Akh Bouzaïd, hafidhahullah, il nous parlait de ce fameux chapitre dans le livre de Tibyan, Tibyan fi Ayman al-Qur'an, il s'appelle Aqsam al-Qur'an aussi, ça dépend des fois, on trouve des livres qui ont plusieurs titres. Dans ce livre-là, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il fait le tafsir des versets dans lesquels Allah Azza wa Jal il jure. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَالْفَجْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا نُون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ قَافُ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. Et tous ces versets dans lesquels Allah Azza wa Jal il jure. Et wallahi, mes frères, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas lu beaucoup d'Ibn al-Qayyim, mais chaque fois que je lis un livre d'Ibn al-Qayyim, je me dis que c'est le meilleur livre de ma vie que j'ai lu d'Ibn al-Qayyim. Donc là, en date, le dernier que j'ai lu, c'est ce livre-là. Et wallah, hein, wallah, j'ai rarement lu un livre comme celui-ci dans le tafsir. Il est magnifique. Il te ramène des éléments qui sont à ta portée, mais auxquels tu ne penserais jamais. Et lorsqu'il parle de ces versets, après il fait référence au contenu général de la sourate dans laquelle Allah Azza wa Jalla jure. Donc il dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi de jurer sur ça pour affirmer telle réalité, pour affirmer telle chose. Car sachez mes frères que si Allah Azza wa Jalla jure sur une chose, c'est pour en premier lieu montrer sa grandeur, et la grandeur de la chose sur laquelle on jure montre la grandeur de celui qui jure, Hadashay. Ensuite, sache que le choix qu'Allah Azza wa Jalla il a sur la chose sur laquelle il jure n'est pas anodine, n'est pas anodin, alayhi salam, n'est pas futile, mais c'est un lien avec la chose pourquoi Allah il jure. On a le muqsam, le muqsim, le muqsam bihi ou le muqsam lahu ou alayhi. D'accord ? Vite fait, parce que c'est trop fort. Dans surat al-Waqi'a, Allah Azza wa Jalla dit فَلَا أُقَسِمُ بِمَا وَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. Donc Allah Azza wa Jal il jure mawaqi', ils ont dit ala qawlayn, soit les endroits desquels les étoiles montent, elles apparaissent dans le ciel, ou soit l'endroit de l'étoile directement dans le ciel, mawaqi' al-nujum. Donc Allah Azza wa Jal il jure sur la place que les étoiles ont dans le ciel, ou bien de l'endroit duquel elles apparaissent dans le ciel après le coucher du soleil, comme quoi le Coran est un livre généreux, qui donne beaucoup. Quel est le lien entre les étoiles et le Coran? On retourne dans le Coran et on voit qu'Allah, quand il parle des étoiles, il leur donne trois fonctions principales. Premièrement, Allah dit « وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. » Et c'est lui qui a fait pour vous des étoiles un moyen de vous guider dans les ténèbres de la mer et de la terre. Donc comme les étoiles sont un moyen concret pour trouver ton chemin lorsque tu es perdu sur terre ou dans la mer, Le Coran est un moyen concret qui te permet de te guider et sortir des ténèbres, de l'ignorance et de l'égarement pour arriver aux lumières de la guidée et de la foi. Deuxièmement, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran que les étoiles sont un ornement pour le ciel. Taïb. وَجَعَلْنَا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Non, c'est pas ce verset, c'est dans le mulk. Celui qui trouve, il me fait gagner du temps, inshallah. أحسنت بارك الله فيك. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. Inshallah, عهد علي أن أهديك كتابا. أهدي لك كتابا. طيب. Et nous avons embelli le ciel de ce bas monde. Ou bien le ciel inférieur à la sahih, parce que as-sama ad-dunya ici, c'est un wasf, c'est pas un mudaf. Ceux qui connaissent l'arabe, ils m'ont compris. Ceux qui connaissent pas, ils vont au cours de Akh Yassin et ils font des cours de grammaire. Taïb. Et on a embelli le ciel inférieur, le nôtre, bimasabih, avec des lampes, des lumières, les étoiles, qui ont pour but donc d'embellir. Donc, khulasatul qawl, c'est que les étoiles sont l'ornement et l'embellissement du ciel, de ce bas monde, donc de ce monde en lui-même. Et le Coran est ce qui embellit ton cœur. Et enfin, la fin du verset, وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Comme vous le savez, les shayatines, après la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam, ne pouvaient même plus accéder aux confins de ce ciel. Taïb, ils se faisaient chasser par des météorites, des astres, des étoiles filantes, ce que vous voulez. Shihab. Et le Coran, il chasse shayatin al-ins wal-jin. Taïb, le Coran, il chasse les démons, qu'ils soient parmi les djinns ou même parmi les êtres humains. Donc là, tu as vu le lien qu'il y a entre ce sur quoi Allah il jure et ce sur quoi, pourquoi Allah il jure. Bref, je ne m'éloigne pas dans le sujet. Après, tu viens dans le surat Al-Dhariyat. Allah Azza wa Jalla jure sur Al-Dhariyat. Akhira man le khilaf chez les mufassirines, c'est quoi Al-Dhariyat? Il dit Al-Rajih, c'est les anges. Al-Dhariyat, idharwa fil hamilat, wiqra al-ayat. Ensuite, il fait référence aux grands points qui sont évoqués dans cette surah. Et il arrive au verset. وفي الأرض آيات للموقنين. Et dans la terre il y a des signes pour ceux qui sont sûrs. وفي أنفسكم. Et en vous-même. أفلا تبصرون. Ne voyez-vous pas? Et wallahi mes frères, ce chapitre là, cette parenthèse, elle fait à peu près, elle fait plus de 100 pages. Et wallahi, il pose des questions auxquelles il ramène des réponses que moi personnellement je me suis jamais demandé et que j'ai jamais vu ailleurs. Pourquoi? Il parle donc de l'être humain et de ses particularités en tant qu'être humain. Pourquoi l'enfant, quand il naît, il a des sourcils, il n'a pas de moustache? Pourquoi l'homme, quand il grandit, il commence à perdre ses cheveux ici et il les garde sur les côtés? Pourquoi quand tu as des cheveux blancs, tu en as dans les cheveux, dans la barbe, tu n'en as pas dans les sourcils? Là, on a un hukmu ala sabil al-ghalaba. Là, on a un nudra. Il y a des gens, des fois rarement, c'est vrai, tu trouveras les sourcils blancs. Laquelle en général, là, il ramène des choses. Wallah, tu dis ajib. Et le plus ajib, c'est qu'il te ramène les réponses. J'ai même appris des noms de médecins grecs dans des paroles d'Ibn al-Qayyim. Jalinus. T'arrifoun antuma Jalinus? Eh bien, j'ai appris ce nom-là. Après, j'ai vu des rares, mashallah, qu'il connaissait déjà. Ala kulli hal, wallahi, shay azim. Celui qui lit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il ne cesse de s'étonner. Et il ne cesse de voir à quel point cet homme-là, il avait vraiment une culture immense et une science très grande. Donc, on s'était arrêté à Zad al-Ma'ad. Taïb, c'est ça? Après, donc, moi, j'ai rajouté At-Sibyan fi Ayman al-Qur'an, un livre que je conseille à tous les frères qui ont une soif d'en connaître plus sur le Qur'an. Taïb. Un autre, l'akh. Al fawa'id. L'akh. La maladie des cœurs. La ya'rifu. La ya'rifu. Mais ça doit sûrement être, comme j'ai dit, comment ça s'appelle, un livre qu'ils ont tiré, du moins un chapitre qu'ils ont tiré d'un ouvrage plus grand. Allez, un dernier. L'akh. Ahsant, barakallahu fik. Ça, c'est mon numéro 2 préféré, celui-là. De ceux que j'ai lus, hein. Miftah Dar As-Sa'ada. Voilà ce livre-là. Au début, il dit pourquoi Adam il est descendu du paradis. Après, j'ai regardé comme ça, je ne sais pas parce qu'il a désobéi à Allah. Tu sais, toi, tu dis là, c'est tout, c'est fini. Toi, avec ton ilm qasir, pour dire ilm qasir, ton Adam wujud ilm aslan, ton absence de science, tu crois pouvoir répondre sur le tas comme ça. D'accord ? Eh ben non. Et il ramène. Pourquoi ? Parce que. Sur une trentaine de pages. Après, il passe à la science. À la vertu de la science, à son rang particulier, ainsi que celui des savants. Et wallah, il ramène des versets, des hadiths, dans lesquels il prouve la supériorité du savant et la grandeur de la science sur le reste. Moi, un des points les plus particuliers que j'ai vraiment aimé, c'est quand il dit qu'Allah Azza wa Jalla prouve que la science elle est meilleure que le reste, même dans les chiens. Regarde, dans le Maïda, Allah Azza wa Jalla il dit يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ الآيات. Dans ce verset, Allah il nous dit quoi? Il nous dit que si tu as un chien auquel tu as appris à chasser, d'accord, et qui te ramène un gibier, eh bien, son gibier, il est halal. Maintenant, si j'ai un chien qui me ramène un gibier sans que je lui ai appris à chasser, eh bien, ce gibier, il est haram. Et il dit, et par ce point-là, Allah, il te montre que le chien qui a de la science, il est meilleur que le chien qui n'a pas de science. Allahu Akbar. Allah, je dis, subhanallah. Toi, tu sais, quand tu fais un dars sur l'ilm, tu ramènes à peu près les mêmes versets. إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Bien sûr, il faut les ramener ces versets, c'est le Coran. La première des choses qu'on ramènera, c'est le Coran, la chèque. Mais wallah, des fois, il y a des fawaïd comme ça, des hikam, qu'on n'entend pas souvent, malheureusement. Et celui qui veut avoir cette particularité, cette saveur de trouver justement des points comme ceci, on invite à lire les livres d'Ibn Qayyim, rahimahullah. Miftah Dar al-Sa'ada. طيب ça c'est les livres connus, il y en a plein d'autres. Kitab al-Ruh, Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah, Uddat al-Sabirin. Hein, ce livre là les frères, wallah. De toute façon, voilà, si on se met à parler des livres d'Ibn Qayyim, on s'en sort plus. Ça fait une heure que je parle là. Wallah, tu veux un livre dans tafsir, prends At-Tibyan fi Ayman al-Qur'an. Il y a aussi tafsir surat al-Fatiha. Il y a aussi tafsir al-Mu'awidatayn. Tu prends dans Badaï' al-Fawaid, il nous parle de l'Kafiroun. Il nous parle d'Ayat al-Kursi. Tu prends dans le Fawaid, tu trouves surat Qaf dans de nombreux versets. Il y a même un shir qui a réuni tout ce qu'il a trouvé comme tafsir d'Ibn al-Qayyim. Il en a fait un livre. Il a appelé tafsir al-Qayyim. Wallah, tu prends que ce qu'il dit sur Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça fait 15 pages. Toi, tu viens, tu ramènes le I'rab, al-Ba, hein, Jarra, Ismi Majrour. Après, tu rentres dans le détail, plus ou moins, ça va prendre 3 minutes. Et tu crois que tu auras donné beaucoup. Wallahi, on ne donne rien du tout. Et quand tu lis les ulama, notamment les afdad, Ibn Qayyim, rahimahullah, al-Jahabida, tu te rends compte de quoi? La réalité de la parole, wallahi, dit وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et on ne vous a donné de la science que très peu. C'est que toi, quand tu compares ta science au grand savant, tu te rends compte que tu n'as rien. Alors que dire alors du reste? Alors qu'Allah il nous a dit à nous tous, savants, ignorants, vous n'avez eu de la science que très peu. Kitab al-Ruh, le livre de l'âme. Allah il dit, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوحِ قُلِ الْرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي et وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et t'interroge sur l'âme, dit, l'âme concerne les affaires de mon Seigneur. Et vous n'avez de la science que très peu. Et bien Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il fait un livre dans lequel il réunit tout ce qu'il trouve sur Ar-Ruh. Des masaïl dans lesquels les salafs, ils ont divergé. Des points vraiment impressionnants. Et on reviendra sur ce kitab en particulier un peu plus tard, si j'ai le temps, inshallah. Taïb. Encore, je disais, Uddat al-Sabirin. Juste revenir, voilà, parce que ça c'est important de partager. Ces lectures dans lesquelles on a vraiment, vraiment profité. Et je vous dis pas de lire Uddatu al-Sabirin, wa Dhakhiratu al-Shakirin. C'est un livre dans lequel Ibn Qayyim, rahimahullah, il fait référence à la patience sur l'épreuve et à la reconnaissance dans le bienfait. Taïb. Et à la fin du livre, il y a Al-Khatima. Et dans Al-Khatima, Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi, il te fait comprendre à quel point tu es insignifiant. Tu auras beau croire patienter ou beau croire être reconnaissant, tu n'auras jamais patienté comme il le faudra, tu n'auras jamais été reconnaissant comme il le faut. Et après, il se met à décrire Allah Azza wa Jal. Et ça, je ne peux pas vous le dire. Il faut le lire. Et c'est intraductible. Il faut le comprendre. Mais c'est trop azim. Et c'est là que tu vois que Ibn Qayyim rahimahullah, c'était quelqu'un qui avait développé un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne trouves pas partout. Je vous passe les commentaires. Dans Madarij Salikin, tu le ressens encore plus. تطريق باب طريق الهجرتين وباب السعادتين باغي اتخيزو تهداية الحيارة تأحكام أهل الذمة إعلام الموقعين et j'en passe des livres والله chacun dans son sujet et qui sont tous des trésors dans leur domaine. Ça c'est les livres connus. Après, on a des livres qu'on trouve dans la deuxième catégorie. Quand on regarde dans les biographies des grands élèves d'Ibn Qayyim et des autres, ils nous ramènent des titres de livres qu'on ne trouve pas aujourd'hui. Mathalan, on a un livre qui s'appelle Al-Ijtihad wa Taqlid. Des fois, Ibn Qayyim, il fait référence dans certains de ses livres, il dit, j'ai parlé de ce sujet-là dans mon livre Al-Ijtihad wa Taqlid. Mais ce livre-là, on ne l'a pas. Il a disparu. On a un autre livre qui s'appelle Usul al-Tafsir. Pareil, dans des livres, Ibn Qayyim, il parle d'un sujet. Il nous dit, celui qui veut plus de précision, qui retourne à notre livre Usul al-Tafsir. Il n'existe plus. Un autre livre qui s'appelle Al-Amali al-Makkiya. Il n'existe plus. On a un livre qui s'appelle Al-Ta'liqat ou Al-Ta'liq ala al-Ahkam. Il n'existe plus. Et d'autres livres. De nombreux livres d'Ibn al-Qayyim rahimahullah et de son cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhima qui ont disparu. Alors là, يتبادر الى ذهنك ايها الفطين او ايها العاقل ما سبب اتلاف هذه الاسفار. Alors là, va te venir à l'esprit directement, ô mon frère qui est très intelligent, quelle est la cause de la disparition de ces livres? طيب comment? Non, bismillah. Alors là, je suis confronté à un petit souci. On a un amir, un gouverneur, qui n'était pas de Damas. Ça, c'est ancien. Ça doit dater de 3 ou 4 siècles, voire même un peu moins. Cette personne-là, elle avait adhéré à la aqida de l'Huloul. Comme quoi Allah il est dans sa création, la création elle est dans Allah. Même le roulette, ceux qui ont abusé dans cette croyance, ils ont dit que Pharaon il avait raison. Ce n'était pas un kafir. Quand on a dit Ana Rabbukum al-A'la, je suis votre Seigneur le plus grand. Parce qu'Allah il est en lui. Donc il n'a pas menti. Hadith wa la haraj. Ala kulli hal. Cette personne-là, elle a été à Damas. Et elle a essayé de se procurer le maximum de livres d'Ibn al-Qayyim et d'Ibn Taymiyyah. Dans quel but? Les détruire. Parce qu'Ibn al-Qayyim et Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhima, ont prouvé les égarements de leurs croyances. Alors soit il les achetait, soit il allait voir les personnes dont il avait entendu comme quoi il les possédait, et il cherchait à se les faire offrir, ou soit carrément il se les procurait de façon autre, si vous voyez ce que je veux dire. Et Cheikh Albani, rahimahullah, il a un kalam sur cette waqi'a, sur ces événements. Et tout ce qu'il a pu trouver, taïb, il s'en est débarrassé. C'est pour ça qu'on a perdu beaucoup de livres d'Ibn al-Qayyim et d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Je vous disais, le souci auquel je suis exposé, c'est que ce fameux Amir, dans son nom, on a son origine. Maintenant, si je vous avais dit que c'était un Iraqi ou bien un Yamani, ça vous aurait fait ni chaud ni froid. Oulala ? Je sais pas, je vous pose la question. Je pense pas qu'on a des Irakiens dans la salle. Et c'est ça qui est un peu dommage. C'est que des fois, tu as des réticences à faire référence à certaines origines de peur de frustrer ou bien de vexer certaines personnes dans la salle. Même on nous a dit, dans un comité restreint, quand vous faites des cours, évitez de faire référence aux origines. Il faut mettre les choses dans leur place. Il y a le contexte historique et le contexte contemporain. D'accord ? Donc quand je fais référence à un point concernant une coutume toujours présente, propre à une nationalité, c'est sûr que le fait de la citer pourra provoquer des réticences. Amma fait référence à une personne dans le passé, Taïb, qui a un rapport avec un lien particulier, Hada Yartalif. Non ? Naam. Yakfi. Taïb. D'accord. Déjà, Bakr Abou Zayd, rahimahullah, dans son livre, dans lequel il parle d'Ibn Qayyim, il nous dit que ce n'est pas le seul à avoir fait ceci pour détruire les livres d'Ibn Qayyim et d'Ibn Taymiyyah. Les Tatars aussi, ils ont une part de responsabilité là-dedans. Mais il dit, Walladhi, je reprends ces mots, Walladhi tawalla kibra dhalik. Celui qui a la plus grande responsabilité dans cela, c'est Al-Amir Abd al-Qadr. Taïb, ça va, vous m'en voulez pas? Pour ceux qui l'ont reconnu. Voilà. Al-Amir Abd al-Qadr. Donc, ça, c'est les livres. Ça, c'est certains titres de livres dont on a complètement perdu la trace. Et après, on peut rajouter une troisième catégorie. C'est les livres qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, avait l'intention d'écrire, mais qu'il n'a malheureusement pas pu faire du tout. Donc, et là, on voit Himmatuhu, Al-Aliya. Et là, c'est là que tu vois le souci et la motivation qu'il avait dans le fait d'être utile le plus possible à sa communauté. C'est que des fois, il faisait référence à des sujets dans certains de ses écrits et il disait, Inch'Allah, si Allah il nous prête longue vie, ou bien il nous permet, ou il nous accorde la réussite, on écrira un livre dans ce cas-là. Alors, on a trouvé, par rapport à ces fameuses ambitions de la part d'Ibn al-Qayyim, plusieurs sujets. Par exemple, quand tu prends dans Kitab Adda ou Ad-Dawa, on a vu le dire tout à l'heure celui-là, celui qui est connu par l'autre titre aussi, Al-Jawab al-Kafi liman sa'ala 'an ad-dawa ash-shafi. Hein, ils l'ont même traduit en français celui-là, la réplique suffisante. D'ailleurs, un conseil entre moi et vous ne savourerez jamais Ibn al-Qayyim en français. Je vais même aller plus loin, vous ne comprendrez jamais Ibn al-Qayyim en français. Parce que déjà, pour le comprendre en arabe, il faut s'accrocher. Des fois, m'arrivait de lire la même page 10 fois pour comprendre ce qu'il voulait dire. Et des fois, j'avais entre les mains ce livre-là, la réplique suffisante, qui a été vraiment traduit n'importe comment. Un point qui m'a attiré mon attention, c'est qu'ils ont enlevé toutes les ponctuations. T'as une phrase, des fois, tu fais une demi-page. Tu sais pas, il est où le point, tu sais pas où est la virgule, tu sais pas s'il y a 2 points, tu sais pas si c'est un point d'exclamation, tu sais pas ce qu'il raconte. Et c'est du français vraiment mécanique. Donc les livres en général qui sont traduits en français d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, je ne fais référence à aucun traducteur, à aucune maison d'édition, ni à aucun titre. Mais moi, personnellement, je vous dis que vous ne savourerez pas, vous ne pourrez pas dire j'ai lu d'Ibn al-Qayyim. Pas parce que la particularité d'Ibn Qayyim rahimahullah dans son style, c'est son style, mais ce style là tu ne le reconnais qu'en arabe, tu ne le reconnais pas en français. Donc akhi, on t'a dit que talab al-ilm il commence par ta'alim al-lugha al-arabiyya, tu l'as compris, et on te fait comprendre aussi que tu passes à côté de trésors, qu'on passe à côté de trésors, j'ai osé me sortir de la généralité, qu'on passe à côté de trésors inestimable en ayant une très courte compréhension de l'arabe ou bien sans en avoir du tout. Donc on a dit dans Al-Da ou Al-Dawa Ibn Qayyim rahimahullah, il fait un fasl, voilà ce fasl là aussi trop adil. Vous savez combien de temps que je parle, combien de temps il me reste, Kamel? Combien? 20. Idan, dans Adda ou Adda, Ibn Qayyim rahimahullah, il fait un fasl sur Yusuf alayhi salam. Et il parle du khilaf qu'il y a chez les mufassirin, chez les savants du tafsir, chez les exégètes, chez les mufassirin. Et sur le verset où Allah Ta'ala dit « Wa laqad hammat bihi wa hamma biha » Et elle a eu envie de lui et il a eu envie d'elle. Il y a certains mufassirin qui se sont dit « C'est pas possible que Yusuf alayhi salam en tant que prophète a eu envie d'une femme. » Alors ils ont fait un taqdir, ils ont fait une supposition dans laquelle ils ont dit « Il a eu envie de s'échapper d'elle. » Et si ils ont pris cette explication, c'était pour défendre, soi-disant, Ibn Qayyim, Yusuf alayhi salam. Laquelle Ibn Qayyim dit non. Il dit « Al-aya ala zahiriha ». Le verset, il est sur son caractère explicite, comme quoi Yusuf alayhi salam, il a eu envie d'elle. Et il ramène 15 points, j'ai pas trois mains, donc 15 points qui prouvent que c'est vraiment hamma biha dans ce sens-là. Et il prouve aussi que le fait de comprendre ce verset ainsi ne fait que élever le rang de Yusuf alayhi salam par rapport aux autres. Et nous prouve sa supériorité en tant qu'être humain. Parmi certains de ces points qui nous ramènent, il dit que cette femme-là, la femme de l'Aziz, donc de son maître, entre guillemets, était une femme très belle. Une femme très belle. Cette femme-là, elle a mis tous les moyens possibles pour pouvoir être seule avec lui. Il disait « وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلأ » وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب et elle a fermé les portes. غلق mon frère dans ilm al-sarf ils disent على وزن فعل وما كان على وزن فعل يفيد امرين التكثير في الفعل والمفعول طيب يعني كان هناك ابواب كثيره غلقتها وكان هناك تغليق متكرر في باب واحد. Quand tu as un verbe sous la forme fa'ala, ghallaqa, taïb, ça indique la multiplication de l'action en elle-même. Mais dans deux choses, dans l'acte et dans la chose qui subit l'acte. Donc elle a fermé les portes, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de portes à fermer. C'est-à-dire qu'elle s'est arrangée pour fermer toutes les portes possibles pour ne pas que quelqu'un puisse les surprendre. Deuxièmement, dans l'action en elle-même. Ça veut dire qu'elle se fermait plusieurs fois de suite la même porte pour être sûre qu'elle est bien fermée. Wa ghallaqatil abwab. C'est-à-dire qu'il était tout seul avec elle dans un endroit où personne ne pouvait venir. Et on sait que Yusuf alayhi salam, il était jeune. Dans le verset d'avant, Allah dit wa lamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilma. Et lorsqu'il a atteint son terme, ataynahu hukman wa ilma, on lui a donné de la sagesse et de la science. Et dans le verset d'après, quand les femmes se moquent de la femme du maître de Yusuf, ils disent wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha. Et des femmes dans la ville ont dit que la femme du maître a tenté de séduire son petit, fataha, son jeune. C'est que Yusuf alayhissalam, il était jeune. Et comme on sait, les hormones humaines se développent en particulier dans la jeunesse. Et c'est là où l'envie que l'homme il a vers la femme et vice versa est la plus grande. Ils étaient seuls. Elle était belle. Il était beau. Tout le monde le sait. Quand les femmes elles ont vu Yusuf alayhi salam, فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Lorsqu'elles l'ont vu, elles ont dit Allahu Akbar, أَكْبَرْنَهُ, ou bien elles ont fait de lui quelque chose de grand. Elles se sont coupées les mains. Elles ont dit حَاشَ لِلَّهِ, ce n'est pas un homme, c'est un ange. Vous savez où tient Yusuf Chatra al-Jamal. Il a été donné à Yusuf la moitié de la beauté. Wa in kana fi hadhihi al-maqalati nadharun min haythu as-sihha nadhkuruha min haythu aw min bab al-fa'ida. طيب, il y a quoi encore? C'est que son mari n'était pas jaloux. Regarde, quand il a été au courant de l'histoire, qu'est-ce qu'il a dit? Yusuf a'rid an hadha. Yusuf, ne t'occupe plus de cela. Wa astaghfiri li dhanbik innaki kunti min al-khati'in. C'est ça. Yusuf, donc ne t'occupe plus de cela. Et toi, implore le pardon pour ton péché, tu étais certes parmi celles qui se sont trompées. Il n'a pas été plus loin. Toi, t'aurais fait quoi avec ta femme, toi, si elle fait un truc comme ça? Ne répondez pas, barakallah. Par respect envers nos yeux. Taïb, eh ben lui, il n'a pas été loin. Il n'a même pas cherché à lui en vouloir ou bien à lui faire des remontrances ou autre. Et je vous passe les autres choses. 15 points qui prouvent que Youssouf alayhi salam a eu envie d'elle, mais comme il a craint son Seigneur, ben Allah il l'a élevé par sa crainte de lui et le fait que ce soit abstenu de tomber, du moins de donner recours à ça, à son désir. Et vous connaissez le hadith dans Sahihain d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète dit alayhi salam, dans les 7 personnes qui sont sous l'ombre d'Allah azza wa jal, le jour du jugement, il dit dans les 7, wa rajulun دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Et un homme qui a été appelé par une femme de haut rang et très belle, vous savez tous pour faire quoi? Il a dit quoi? Je crains Allah. Et Youssouf عليه السلام l'a dit, je crains Allah. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Il a dit qu'Allah m'en préserve. Il est mon Seigneur et il m'a certes embellit ma situation. Il parle de Allah Azza wa Jalla, il ne parle pas de son Seigneur, son maître, ni le mari de sa maîtresse. Il a dit, certes, les injustes ne gagnent jamais. Bref, Ibn al-Qayyim, rahmallah, il ramène 15 points comme ça. Je vous laisse quelques-uns. Et à la fin, il dit, et Inch'Allah, si j'ai le temps, et si, enfin, si Allah me le permet, je ferai un livre dans lequel je ramènerai les fawaïd de Surat Yusuf qui s'élèvent à plus de 1000. Après, j'ai dit, Allahu Akbar. Dommage, il n'y avait pas ce livre. Si sur un événement de la soirée, il nous a sorti 15 points, qu'est-ce qui t'aurait sorti sur toute la soirée? Taïb, il y a aussi, dans un livre dans lequel il fait référence aux différences dans le fiqh, qu'il y a entre Al-Basriyoun, ceux qui sont dans le Basra, une région en Irak, on l'appelle Basra aujourd'hui, et Al-Kufa, Al-Kufiyoun. Et à la fin, il dit dans, entre parenthèses, il dit, et en plus des différences qu'il y a dans le fiqh entre ces deux écoles, il y a aussi de nombreuses différences entre ces deux écoles dans la grammaire arabe. Et Inch'Allah, je ferai un livre dans lequel je réunirai toutes ces divergences. Mais il n'a pas fait. Il a fait un autre livre, enfin, il avait l'intention de faire un livre dans lequel il réunirait toutes les qualités d'Ibrahim alayhi salam. D'ailleurs, pour celui qui veut un aperçu de ça, je le renvoie au livre qui s'appelle Ar-Risala at-Tabukiyya, dans laquelle Ibn al-Qayyim rahimahullah il prouve à quel point Ibrahim alayhi salam était le meilleur des hôtes avec l'histoire des anges. Wa hal ataka naba'u? Hal ataka naba'u? Aw hal ataka hadith dhayfi Ibrahim al-mukramin? Et wallah, c'est pareil. Il te ramène des fawaïd, tu dis Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est trop. Bilouratil Asr, comme on dit, c'est trop fort. Taïb. Et d'autres livres. Aïnaam, il a fait dans Madarij Salikin, il y a un chapitre dans lequel il parle du shirk. Et il dit, Inch'Allah, on va faire un livre dans lequel on parlera du shirk, de ses différentes catégories, de ses différents mots, de ses différents degrés et de ses différentes parties. Mais pareil, il n'a pas fait ce livre-là. Et wallah, si ces événements-là. Regarde le nombre de livres qu'Ibn al-Qayyim a écrit. Il s'élève à peu près à plus de 80. C'est-à-dire en réunissant ceux qu'on a toujours et ceux qu'on n'a plus. Des livres qui, des fois, sont des différents volumes, de nombreux volumes. Et malgré ça, il avait toujours en tête, dans un coin de sa tête, je vais faire un livre sur ça, et je vais faire un livre sur ça, et je vais faire un livre sur ça. C'est pour ça que chaque fois, tu trouves dans un domaine de la science islamique une parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. T'as pas marqué quand tu lis les kibar, les grands savants? Dans n'importe quel domaine, qala ibn Taymiyyah, qala ibn al-Qayyim, qala ibn Taymiyyah, qala ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhima. D'ailleurs, les grands savants, ils nous conseillent, au talib ilm, in kunna nadda'i dhalik, si on prétend ceci, d'avoir les livres de ces deux grands savants, qui sont ala haq, kilahuma shaykhay al-Islam. Qui sont ces deux savants-là, ils sont les deux shaykh al-Islam. Et ces deux savants-là sont les deux à avoir été les mujaddid. Hein, les réformateurs, j'allais dire rénovateurs, ça se dit aussi, non? Revivificateurs, c'était ce mot que je cherchais. Les mujaddids de ce siècle. D'ailleurs, l'île Faïda, Bakr Abu Zayd, rahmallah, il dit que le hadith qui fait référence aux mujaddids, il dit « Inna Allah la yab'athu ala ra'si kulli ma'ati sana, man yujaddidu laha amradiniha. Il dit même ici, donc Allah Azza wa Jal suscite, envoie à la tête de chaque siècle pour cette communauté celui qui revivifiera. Qui a combien de vies ? Il y en a un. Qui revit, deux, revivifiera les affaires de sa religion. Ça, c'est dur. Taïb. Il nous dit que man ici, comme c'est connu chez l'Usuliyoun, il y a l'asma al-mawsoula, ça c'est dans l'arabia, c'est un pronom relatif. Et les pronoms relatifs, ils indiquent la généralité. Et ils disent qu'il n'y a pas d'interdiction, bien de choses qui empêchent à ce qu'il y ait deux mujaddid dans le même siècle, même voire plusieurs, chacun dans un bab particulier. Chacun dans un bab particulier. Et on reviendra sur ce point-là, inshallah, dans la muhadara que j'ai préparée pour demain, bi'idhnillah, quand on parlera de samahat al-walid, fadilat al-sheikh Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz, rahmatullah alayh. Taïb, ibn al-Qayyim, hakadha kan. Et je finirai là-dessus, enfin je finirai par rapport à la muhadara tout de suite, parce que je finirai en fait la muhadara après, tout à l'heure. Hein? Comment? Ceux qui veulent faire le wudu, c'est ça? Ouais, ceux qui veulent faire le wudu, qu'ils y aillent tout de suite. Alors, je finis sur ce point-là. Sachez qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a écrit certains de ses ouvrages en voyage. Il a écrit certains de ses ouvrages en voyage. Ça veut dire qu'il n'avait rien avec lui pour sur quoi s'appuyer. Parmi ces ouvrages-là, celui de quel on a parlé tout à l'heure, Zadul Ma'ad, fi hadi khayr al-ibad. Il a écrit ce livre-là en voyage. Et dans certains passages, il dit quoi ? Je m'excuse auprès du lecteur s'il ne trouve pas ce qui lui convient comme référence, parce que je suis en voyage et je n'ai pas avec moi mes livres. Allahu Akbar. Le livre Bada'i'ul Fawaid, il a aussi écrit en voyage. Miftahu Dar al-Sa'ada, il a aussi écrit en voyage. Al-Qasidatul Mimiyah, il a aussi écrit en voyage. Al-Amal al-Makkiyah, il a aussi écrit en voyage. Tahdhib Sunani Abi Daoud, il a aussi écrit en voyage. Trouve-moi quelqu'un qui a écrit des encyclopédies en voyage. Toi, t'arrives même pas à écrire une carte postale à ta tante quand tu pars en week-end. Lui, il a écrit des encyclopédies, subhanallah. Subhana man khalaqa hadha ar-rajul. Wa fi kulli shay'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Quand tu connais des gens comme ces gens-là, wallah, ta foi l'augmente en Allah Azza wa Jal. Ta foi l'augmente en Allah Azza wa Jal. Et tu dis que si tu vois des gens comme ça, tu comprends, enfin, plus ou moins, la perfection du Créateur. Tu comprends pas, mais tu te dis que ça doit vraiment être quelque chose. Comme ils disent, ulama'una, kullu ma dara bi balik, fallahu bi khilafi dhalik. Tout ce qui tourne dans ta tête, ben Allah, il est différent. Taïb, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Mais quand tu vois des créatures comme ça, tu dis Allahu Akbar, Subhan al-Khaliq, Subhan al-Khaliq. Taïb, excusez-moi à l'Itala, Inch'Allah, l'il-Hadithi baqiyya ba'da al-Isha, on finira le chapitre, Inch'Allah, la conférence. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, barakallahu fikum.